mwezongela nkolo Kufayo etika esika na bomo na biso. Que la mort laisse la place à la vie dans notre vie. Que la mort cède la place à Jésus. Laisse que la mort cède la place dans ta vie. Que la mort lâche la place dans ta vie. Que la malédiction lâche la place dans ta vie. Que la souffrance lâche la place dans ta vie. Et que Christ règne là où l'ennemi était assis. Et que la vie de Jésus entre là où il y avait la maladie. Et que tout ce qui était déjà mort en toi soit ressuscité, vivifié maintenant. Tout le membre qui était déjà mort reçoive la vie maintenant. Dans ton travail et tout ce qui a été atteint par la mort, que ça soit vivifié maintenant dans le nom de Jésus. Et quand tout la gloire revient à notre Seigneur, laisse que nous les âmes nous l'acclamions trop fort. Alléluia. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Nous remercions à notre papa, le révérend, maman et papa pour la confiance. Nous remercions toute l'équipe qui entoure les pasteurs pour le travail qu'ils font. Et nous remercions toute l'église Arche de la confiance qu'ils donnent à Dieu et tous les jours qu'ils viennent ici pour adorer Dieu. Nous sommes dans les livres de 2 Samuel chapitre 9. Étant donné que le temps nous est imparti, nous n'allons pas lire beaucoup de versets, nous allons lire juste les premiers versets. Et c'est là où que nous allons tirer notre thématique ce matin. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David, alikuwa kumbuka. David se rappelait. Jonathan. Il se rappelait de Jonathan. Souvenir et le souvenir de Jonathan. l'a poussé à faire un acte. Et c'est pour cela que nous voulons partager ce matin sur le puissant du souvenir dans notre établissement. David a été établi comme roi à Jérusalem. Il était roi sur tout Israël. Et son bien-aimé et un ami Jonathan, lorsque tu es en train de lire dans le livre de 1 Samuel 18, comment Jonathan agit attaché à David quoi. Du premier au quatrième verset, tu vas voir comment Jonathan s'est attaché à David avec un cœur qui est plein d'amour. Lorsque tu pars au chapitre 20, tu sautes au 23e verset. Ce que Jonathan pouvait faire à David, son ami. Tu peux voir ce que Jonathan pouvait faire à son David qui était à David qui était son ami. Mais à ce moment, David est en train de se souvenir de Jonathan. Jonathan était déjà mort. Mais la mort de Jonathan, il y a un souvenir dans le moyo wa David. A laissé un souvenir dans le cœur de David. Bien-aimé, tout quand on a traversé le monde. Bien-aimé, nous sommes en train de traverser les situations dans ce monde. C'est comme un grand désert. Dans lesquels, dans chaque étape, nous pouvons nous rencontrer, nous avions perdu telle ou telle autre chose. Jusqu'à ce que nous pouvons perdre même la vie. Mais il y a une chose qui ne se perdra jamais. C'est le souvenir. Le souvenir va traverser la mort. Même la mort. Même au-delà de la mort, hata zaidi ya kifo, kitu kitabaki ya kwa hii dunia, il y a une chose qui va rester ici sur la souvenir. Terre, c'est le souvenir. Watoto muko humu, les enfants, vous êtes ici. Bazazi wa meenda, les parents sont déjà partis. Souvenir ya wazazi, mais les souvenirs de parents, haijaenda, ils n'ont pas encore parti. Sababu wangali mnaona vyenye waliwaambia, parce que vous continuez à voir ce qu'ils vous ont dit. Matendo yao, vous continuez à voir leurs actions. Amuru yao, vous continuez à voir leurs amours. Ça peut vous encourager. Na inaweza kuwatia moyo. Ijapokuwa hamuko nao tena physique. Si vous n'êtes plus encore avec eux physiquement. Et c'est pourquoi les souvenirs sont une grande chose. Que Dieu veut que nous puissions les garder. Dans notre avancée à revêtir l'image de Jésus-Christ, nous devons être des gens qui sont conscients, qui se souviennent. Et nous avons programmé notre pensée en 5 points. Et la première étape, nous avions dit que Dieu ne nous oublie pas. Souvent, souvent à cause des défis ou à cause de l'attente d'une requête qui n'est pas exaucée, nous croyons que Dieu nous a déjà oubliés. Et c'était le cas de Sarah dans Genèse 21, 1 jusqu'à 7. Et Dieu avait déjà donné une promesse à Sarah. Et Sarah continuait à tenir sur cette promesse-là. Mais la promesse n'était pas encore accomplie. Mais Dieu est en train de dire dans les chapitres 21, la Bible dit ceci: l'Éternel s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Bwana kakumbuka ile aliyoahidi, Sara nakatimiza ile aliyomwambia. Ndani ya moja ya wema wa Mungu, parmi les bontés de Dieu, muko tabia ya kutokusahau. Il y a ce caractère, cette qualité du souvenir. Il y a silence ambayo inaweza kutushikilia quelque soit hatujafikia kupokea tunachokingojea kwa Mungu. Et c'est une assurance qui peut nous donner la force même si nous n'avons pas encore reçu ce que nous attendons de Dieu. Usipimake kufikiri Mungu amekusahau. Il ne faut jamais penser que Dieu t'a déjà oublié. Même si tu n'as pas encore eu ce que tu es en train d'attendre. Même si la parole n'est pas encore accomplie. Même si les choses changent. Parmi les choses qui doivent donner de la force à notre foi, c'est de savoir que Dieu ne t'a pas encore oublié. C'est comme un un jour, siku moja, utaona na accomplir neno aliyokuambia. Tu vas voir l'accomplissement de ce qu'il t'avait dit. Sababu wakati tunangoja. Parce que lorsque nous sommes en attente, nous sommes appuyés par la parole, par la promesse. Tunashikiliwa na neno, tunashikiliwa na ahadi. Imani iko na besoin ya kukua soutenu par quelque chose. Et la foi a besoin d'être soutenue par quelque chose. Wakati uko unangojea. Lorsque tu es en train d'attendre. Parce que promesse inapotoka. Parce que lorsque la promesse est sortie, accomplissement, et son accomplissement, il y a un trajet. Tout qu'on a besoin, tout pas te soutien. Et nous avons besoin d'être soutenus. Nayakabambi, et la plus grande chose, Mungu, haja c'est de savoir que Dieu ne nous a pas encore oubliés. Dans Isaïe 49, le verset 15, Mungu ye mwenye anaambia watoto wa Israël. Dieu lui-même est en train de dire aux enfants d'Israël, vous pouvez nous donner ces passages. Mungu anasema, ata mama anaweza kusahau mtoto. La Bible est en train de dire, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a eu? Une extrême. C'est un extrême que Dieu pose. Pas souvent. Haïfique que la mal. Malgré méchanceté à wanadamu. Il y a laissé la méchanceté des malgré hommes. Malgré kuanguka ya wanadamu. Malgré la, les hommes. C'est rare qui peuvent tomber. Mama anasahau mtoto. C'est rare qu'une femme oublie son enfant. Vous allez voir que dans ces débats, Dieu a écarté l'homme. Parce que l'homme a beaucoup, a un grand voyage pour qu'il n'arrive pas à oublier ses David, enfants. David, son papa, l'a oublié. Na, il blessé roho ya David. Et ça a blessé le cœur de David. Lakini, anasema, mama hawezi kusahau. Mais il dit, une femme ne peut na, pas oublier. Kama mama anaweza kusahau. Et même si elle arrivait à oublier, inaweza kufika mama na kusahau. Ça peut arriver que dépassé par mama les événements, dépassé par les événements, par les réalités, à cause de réalité de la vie. Anasema katoto mina karudishia baba yake. Elle dit, je retourne cet enfant à son père. Kimbia. Et moi aussi je m'enfuis. Lakini anasema nini? Mais moi, la Bible dit quoi? Moi. Mimi Mungu wako. Moi ton Dieu. Je ne t'oublierai. Si t'as kusahau kamwe. Ambia mwenzako. Tu vas dire à ton ami, à ton prochain. Ne t'oubliera jamais. Mungu wako hata kusahau kamwe. Sema Mungu wako hata kusahau kamwe. Tu peux dire ton Dieu ne t'oubliera jamais. Kwa nini usumbuke? Pourquoi te faire souffrir? Tulia basi ungoje accomplissement ya promesse. Tu peux être tranquille et attendre l'accomplissement de bien la promesse. Kitu ambacho tunaweza kuelewa. La chose que nous devons comprendre, Genèse chapitre 19, verset 29. Et que dans Genèse le chapitre 19, le verset 29. Wakati tukingojea Mungu atutende. Lorsque nous sommes en train d'attendre que Dieu accomplisse pour nous. Kwa kutukumbuka. À se rappeler de nous, à se souvenir de Mungu nous. Lorsque Dieu est en train de se souvenir de nous, il est en train de faire du bien à d'autres personnes à cause du souvenir qu'il a de nous. Lorsque le docteur était Mungu en train de parler, mtoto wake. Dieu peut se souvenir de toi, juu son enfant, yako. À cause de toi. Tout autour yako. Tout autour, à l'entour de toi. Il est en train de libérer bénédiction. Il est en train de libérer Sali. Et toi-même, tu ne le reçois pas. Tu es en train de faire des prières. Et tu peux croire même que tes prières n'agissent pas. Réalités. Mais vérité tu peux voir une vérité. Mungu alipokuwa na détruire Sodome. Lorsque Dieu détruisait le ville de la fleur, Mungu akakumbuka Abraham. Il se souvint d'Abraham. Sali ya Lote. Et le sali de Lot. Haiku dépendre ni na ma prière ya Lot. N'a pas dépendu des prières de Lot. Il dépendre na souvenir ya Abraham. Mais ça dépend du souvenir que Dieu avait sur Abraham. Mon serviteur. Na Lot iko ndugu ya Abraham. Et Lot est un frère Abraham. Abraham. Et à cause d'Abraham, mina sauvé Lot. Je sauve Lot. Hauna idée. Tu n'as pas l'idée. Juu yako. À cause de toi. Mungu anasauve watu ngapi. Tu peux sauver plusieurs personnes. Hauna idée. Tu n'as pas l'idée. Juu yako. À cause de toi. Mungu anaepargne famille. Tu es en train d'épargner combien de familles. Ile prière unafanya la prière que tu es en train de faire dans cette famille. Unafanya mwa ile quartier. La prière que tu es en train de faire dans ce quartier. Uko unaacha watu ngapi wanalala busingizi. Tu n'as pas idée. Tu es en train de laisser les gens dormir tranquille dans ce quartier. Mungu aliambia Lot. Abraham. Tu as dit Abraham. Nikikutana 50 juste. Si je rencontre 50 juste, mina sauver mon je vais sauver la ville. Plusieurs personnes sont en train de dormir ici à Goma. Pa Goma, Dieu, Abraham, Goma. Ils dorment tranquillement à cause des Abraham qui sont ici à Goma. Sinon, cette ville serait déjà détruite depuis longtemps. Mais lorsque le volcan voit qu'il y a volcan, Abraham là-bas, Dieu dit au volcan, fais attention, il y a mes serviteurs là-bas, tu peux passer de l'autre côté. Et ceux qui ne craignent pas Dieu peuvent dormir tranquillement. Et peuvent croire que c'est à cause d'eux. hawezi kutusahau. Ça veut dire que Dieu ne peut pas nous oublier. Ndio ukweli mkubwa wa kwanza. Et c'est une grande vérité, la première d'ailleurs. Ukweli wa pili. La deuxième vérité. Deuxième point katika méditation yetu. Le deuxième point dans notre méditation. Inatuambia l'homme peut t'oublier. Inakuambia ya kwamba mwanadamu anaweza kukusahau. La plupart des fois, tu n'as pas confiance dans les gens. Des fois, nous mettons notre confiance aux gens. Si on vit bien, c'est pas mal. Kufatana na éducation chrétienne. Conformément à l'éducation chrétienne. Lakini, mais ma blessure nyingi tuko nazo. Les blessures, plusieurs blessures que nous avons. Kukutana. Nous pouvons rencontrer. Sababu, peut-être mtu angekukumbuka, peut-être ulifanya mzuri, lakini umesahaulika. Peut-être que tu as fait de bonnes choses, mais on t'a déjà oublié. Daniel, Esther, chapitre 6. Dans Esther, le chapitre 6e. Du premier verset kushuka. Du premier en descendant. Mardokai a sauvé le roi. Mardoshi a sauvé le roi. Kwa complot, ilitaka kumuua na kubomola royaume yake. Il y avait un complot qui voulait le faire tuer et pour détruire na tout son royaume. Mardoshi a kupokea kitu. Et Mardoshi n'a rien reçu. Heureusement. Daniel, il est royaume. Dans ce royaume-là. Mulikuwa livre moi inaitwa livre de souvenirs. Il y avait un livre qu'on appelait un livre de souvenirs. Yote ilikuwa inafanyika balikuwa na banaandika quelque part. Et tout ce qui se faisait était écrit quelque part dans ce livre-là. Na kila mtoto wa Mungu wote mzuri. Et tout enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Anapaswa kuwa na livre de souvenirs muroho yake. Doit avoir un livre de souvenirs dans son cœur. Il fika wakati sasa roi alisumbuka hakulala. Il est arrivé un moment où le roi était malmené et n'avait pas eu de sommeil. Akasema wamulete ile livre de souvenirs. Et il a dit qu'on lui amène le livre de souvenirs. Ndipo akaona yale Mardoshe alimfanyizia. Et c'est là qu'il a maintenant vu ce que Mardoshe a fait pour lui. Na Mardoshe akapata récompense. Et Mardoshe a eu la récompense. Bien-aimé, mtu anaweza kukusahau. Bien-aimé, un homme peut oublier. Tunaangalia ndani ya Genèse chapitre 40. Nous voyons dans les livres de Genèse chapitre 40. À partir du 23e verset. Joseph alikuwa ndani ya Joseph était dans la prison. Et il a aidé l'un des serviteurs de Pharaon. Il a prophétisé sur eux. Et ce serviteur a été libéré. Mais tu peux entendre ces versets. Là-haut, il est écrit qu'il a été rétabli à son travail. Le chef de Jechanson n'est pas plus à Joseph et l'oublia. Joseph a metenda mema. Joseph a fait du bien. Lakini amesaulikana. Mais il a été oublié. Na yule aliyemubariki. Et c'est lui qui a béni. Hii ndio monde yenye tunaishi ndani. C'est là le monde dans lequel nous vivons. Na hii ni cause parmi ma cause ya ma blessure ya ma déception. Et celle-ci est parmi les causes de plusieurs déceptions. Watu wengi wako blessés sababu wametenda mema. Plusieurs personnes sont blessées parce qu'ils ont fait du bien. Lakini wamesaulikana. Mais ils ont été oubliés en retour. Et cet oubli-là, il fanyisha Joseph 10 ans. A fait que Joseph fasse encore des ans. Dans la prison. Dans la prison. Alors qu'il avait déjà quelqu'un dans le palais. Il a fallu que Dieu lui-même s'arrange. Si vous lisez à partir de Genèse 41, Dieu est parti lui-même toucher Pharaon. Bouger ma circonstance, il a bougé situation. Et il a bougé toutes les circonstances et toutes Pharaon les situations du moment. Jusqu'à ce que Pharaon n'a plus d'épée. Chapitre 41, verset 9. Jusqu'à ce que cette personne a demandé pardon au chapitre 41, verset 9. Il a demandé pardon parce que Dieu a bousculé les événements. Alors le chef des chansons prit la parole. Et dit à Pharaon, je vais appeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Il dit que Mungu a bougé vite. Il a fallu que Dieu bouscule les choses. Pour que bakumbuke Joseph comme prison. Pour qu'on se souvienne que Joseph était en prison. C'est pourquoi ils ne font pas laisser la prière. Parce qu'il y a deux moments où Dieu va bousculer les choses et les personnes à cause de ton souvenir. Sans cela, tu vas rester dans la prison. Oubli ya wanadamu. De l'oubli des hommes. Lakini sababu ya Mungu wako ambaye anakukumbuka. Mais à cause de ton Dieu qui se souvient de toi. Acha Mungu kutoka mbingu duniani ya buskile. Laisse que Dieu bouge les cieux et la terre. Qu'il buskile tout. Tu ya kukukumbuka. Pour qu'on se souvienne de toi. Tu ya kukutosha ndani ya prison. Pour qu'on t'enlève dans la prison. Tu ya kukupandisha ku trône yako. Pour t'élever sur ton trône. Watu wengi wako ku prison inutilement. Plusieurs personnes sont à la prison inutilement. Wanangojewa au palais. Et ils sont en train d'attendre. Lakini messager mwenye anapasha kuzungumza juu yao amesha basahau. Mais le messager qui doit plaider leur cause l'a déjà oublié. Heureusement, nous avons un Dieu qui se souvient toujours de nous. Bahati nzuri tuna Mungu anayetukumbuka kila mara, ambaye hatusahau kamwe. Na Mungu asikusahau. Et que tu ne t'oublies jamais. Katika situation ambayo unapitia. Dans la situation que tu es en train de traverser. Que tu sois de ton côté. Unaposoma Nehemie chapitre 9. Lorsque tu lis dans le livre de Néhémie, le chapitre 9, le verset 17e, inatuonesha, la Bible entre nous, de nous montrer gani parmi ubaya wa wanadamu, comment parmi le malheur des hommes, la méchanceté des hommes, hata mema tuliotendewa, c'est d'oublier même le bonne chose qu'on a faite pour nous. Sio tu na watu, c'est pas seulement avec les hommes, hata kusahau mema tuliotendewa na Mungu, même oublier les bonnes choses, les bontés que Dieu nous a faites. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites à leur faveur. Ils redirent leur coup et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Israël wanatoka Egypte. Israël venait de l'Egypte. Na Mungu amewafanyia miujiza kutoka maisha yao yote. Et toute leur vie, c'était des miracles. Tout leur parcours. Toute leur vie, toute leur service. Il y avait des interventions divines. Mais ils ont oublié Dieu. Et toutes ses œuvres, ses grandes œuvres. Et c'est pourquoi dans Psaume 103, le verset 2, David est en train de dire en son cœur: mon âme n'oublie pas les bontés de l'Éternel. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. La plupart des fois, mara nyingi, nous sommes en train d'oublier les bonnes choses que Dieu nous a faites. À partir des parents, à partir de l'église, à partir des frères, les amis. Il y a des personnes que Dieu met sur ton chemin pour qu'ils te fassent du bien. Mais dans notre habitude en tant qu'humains, des fois nous oublions ce que les hommes nous ont fait. Et ceci est sujet de plusieurs blessures dans le cœur des gens. Les hommes oublient. Que cela ne t'étonne pas. Que cela ne t'étonne pas. Le troisième point que nous allons développer. Dieu nous appelle à nous souvenir toujours. L'appel de Dieu à nous, ses enfants, dans notre marche chrétienne, il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous oublions. Il y a certaines vérités fondamentales que nous ne devons pas oublier. Il y a des choses que nous devons continuer à nous rappeler. Dans Deutéronome 8, 10 jusqu'à 18, Dieu ne veut pas premièrement que nous l'oublions. Deutéronome 8, 10 à 18. Il a lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances. Et c'est la loi que je te prescris aujourd'hui. Tu peux descendre jusqu'au 18e verset. Dieu est en train de rappeler à Israël qu'ils ne doivent pas l'oublier lorsqu'ils seront rassasiés, lorsqu'ils auront déjà Israël mangé. Va traverser un moment à désert. Israël a traversé un moment de désert. Mais Dieu leur préparait une grande bénédiction à Cana. Souci à Mungu ilikuwa hawa watu watakapo ingia mu bénédiction. Et le souci de Dieu était que lorsque ces gens entreraient dans la bénédiction, ils vont boire du lait. Ils vont dormir dans des belles maisons. Ils vont s'habiller, ils vont vêtir l'or. Les grands problèmes, les grands défis qui vont les accompagner, c'est d'oublier Dieu. D'oublier certains principes. Combien de fois nous oublions même la prière. Nous oublions la lecture de la parole de Dieu. Nous oublions les bonnes habitudes que nous avions avant. Lorsque Dieu a changé notre vie, nous commençons maintenant à laisser certaines habitudes. Nous commençons à laisser certaines habitudes qui étaient bonnes pour nous. Et l'oubli entre dans notre vie. Et l'enfant de Dieu, tu commences à dormir sans prier. Les autres oublient même de venir se réunir communier ensemble dimanche. Parce qu'ils ont pris du lait toute la semaine. Il a pris de la mayonnaise toute dimanche la semaine. Et le dimanche maintenant, c'est le jour de faire les choses. Pour que les calories puissent quitter dans le corps. Alors que le dimanche était consacré à Dieu. Que Dieu nous aide afin que nous ne puissions pas l'oublier. Nous ne devons pas aussi oublier où nous sommes sortis. Dieu voulait que les Israélites n'oublient pas d'où ils étaient venus. Pourquoi? Dieu savait que dans l'oubli, il y a des conséquences. Chapitre 8, verset 19. Dans le chapitre 8 de Deutéronome, le verset 19e, c'est notre quatrième point. Notre oubli a des conséquences. Sur nous et sur les autres personnes. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. 19 inasema nini? 19 iko inasema kama mnasahau mutapotea. Et la Bible entre de dire au verset 19, mais si vous oubliez, vous périrez. Si vous oubliez, vous périrez. Bien-aimé, plusieurs réalités que nous vivons, c'est à cause de l'oubli de Dieu. Nous avions oublié Dieu. Nous avions oublié ce Dieu nous a tiré de nous. Nous avions oublié ce que Dieu nous a dit. Tu oublies même la promesse de Dieu. Sarah n'a pas oublié la parole de Dieu. Il attendait, D'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous êtes israélite, mais si vous oubliez Dieu, vous périrez. Et c'est pourquoi dans la vie de plusieurs chrétiens, de mauvaises conséquences comme celles-ci commencent à entrer. Parce qu'ils ont commencé à oublier Dieu. Si quelqu'un, un homme, peut oublier Dieu, ça sera comment toi maintenant, son prochain. Et Dieu a enseigné que nous devrions nous souvenir. Dans Luc 17, le verset 32. Seigneur Jésus a kafundisha tukumbuke iliyomupata muke wa Loti. Le Seigneur Jésus est en train de nous dire de nous rappeler. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Mumkumbuke mke wa Lot. Alikuwa kwenye njia ya Sali. Il était dans le chemin de Sali. Lakini attachema na Sodom ikamupa kugeuka na kuangalia nyuma. Et son attachement avec Sodom a fait qu'elle retourne de rien. Watoto wa Mungu wengi wameingia ndani ya njia ya Sali. Plusieurs enfants de Dieu sont entrés dans le chemin de Sali. Lakini attachema na monde iko ina bloqué. Mais l'attachement avec le monde est en train de mettre des obstacles pour qu'il n'aille pas en avant dans la marche chrétienne. Et plusieurs commencent même à regretter d'être chrétiens. Plusieurs regrettent pourquoi ils ont choisi le chemin de servir Dieu. Dans Malachie, le chapitre 3. Dans Malachie 3, le verset 14, les enfants de Dieu étaient en train de parler à eux. En vain que le sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils s'échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Choriste Nangen a intercédé à ce moment-là. Le choriste parle avec un intercesseur. Un évangéliste parle maintenant avec un protocole, c'est difficile. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fit écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Amen. Vous verrez de nouveau la différence. Mm. La différence est en train d'arriver dans utafauti uko nafika ndani ya jamaa yako. Dada ushakatala mambo ya kuenda kuchafua mwili juu ya kuogopa Mungu. Ma sœur, tu as refusé de te souiller à cause de la crainte de Dieu. Différence. Tu vas voir certainement la différence. Ya kujitakasa na wale ambao wanaenda kumabari kuuzisha mwili. La différence entre toi qui t'es sanctifié et ceux qui partent vendre leur corps dans des bars. Kati yako na ba collègue yako. Dieu va faire la différence entre toi et tes collègues. Banabeba ma iPhone kubwa kubwa. Ils sont des grands iPhones. Wewe unabeba. Mais toi, tu as juste un petit Dio, tolilo. C'est le tolilo, mais c'est la crainte de Dieu. Tolilo avec la crainte de la Dieu. La communication ipite. La bonne chose est qu'il y ait juste la communication. Yesu, mais ces corps, je les préserve pour le Seigneur Jésus. Et je ne veux pas les vendre comme une marchandise. Mungu anasema, vous verrez la différence. Et Dieu dit, vous verrez la différence. Si il y a un jour qui vient. Kama vile Mungu, comme Dieu. Alienda tosha Joseph ku prison. Et est parti pour ramener. Akamu élevé Égypte plus haut. Et là élevé à un plus haut degré en Égypte. La deuxième personnalité élevée en Égypte et quoi Joseph. La deuxième personnalité élevée en Égypte. Joseph alikuwa ku prison pa moi na woga wa Mungu. Parce que Joseph était dans la prison mais avec la crainte de Dieu. Kusahau Mungu. Il n'a pas voulu oublier Dieu. Mateso siache unasahau Mungu. Quelle souffrance pas la souffrance de l'espace que que les chômages ne laissent pas que tu oublies Dieu. Tout ce qui est en train de se passer, c'est temporaire. Et il va t'y arriver un temps où tu vas faire chômage, la différence, où tu vas quitter dans les chômages. Et tu vas occuper les postes de ton établissement. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous oublions. Ils ne font pas oublier les gens qui t'ont béni. Ils ne font pas oublier les gens qui t'ont fait du bien. Génération et tout. Notre génération. Nous ne devons pas oublier les vieux. Les pères, les mères qui nous ont enfantés et qui nous ont fait grandir. Avec un grand prix qui sont payés. Les autres ont vendu même des braises. Les autres ont parcouru des kilomètres pour couper les bois. Afin qu'ils préparent pour toi la nourriture lorsque tu rentrerais de l'école. Ils ne font pas oublier les parents. Ils ne font pas oublier ton pasteur qui t'a prêché l'évangile. Ils ne font pas oublier ton église. Lorsque tu vas quitter ici, tu vas être nommé ministre, tu vas être voté comme un député. Ils ne font pas oublier ton église. Daniel était à Babylone, mais il n'a pas oublié la prière. Ils ne font pas oublier tout ce que tu as été enseigné ici. L'oubli a de grandes et de graves conséquences. Ça fait à ce que Joseph passe encore 2 ans dans la prison. Tu connais, tu sais, nous sommes des solutions à des vies de plusieurs. À partir de toi, Dieu peut faire du bien à d'autres personnes. Et nous pouvons aller à notre 5e point, c'est là que nous allons commencer à chiter. Nous allons maintenant parler du souvenir de David. Il permettre Mungu a déplacé Mephibosheth kutoka Lodebar mpaka Jérusalem. Qui a permis à ce que Dieu déplace Mephibosheth de Lodebar à Jérusalem. Nguvu ya souvenir ya David kukumbuka Jonathan. Le pouvoir du souvenir de David qui se souvenait de Jonathan. Il permettre déplacement ifanyike mu maisha ya Mephibosheth. A fait à ce qu'il y ait un déplacement dans la vie de Mephibosheth. Bien-aimé, Jonathan nous enseigne une première vérité. Dans notre vie, il y a de vents de changement qui peuvent arriver. Jonathan était né dans une famille royale. Et il ne savait pas qu'un jour, après sa mort, son enfant allait se retrouver à Lodebar. Lodebar est une facilité au désert. Lodebar, c'est un lieu désertique. Le départ, c'est là où la vie ne va pas bien. Et toute leur richesse était déjà saisie. Mais gloire soit rendue à Dieu. David. Daoudi, c'était quelqu'un qui avait déjà fait une avancée. Dans ses caractères. Et au-dedans de lui, il y avait le souvenir. Ce souvenir même des amis. Seigneur Jésus, nous avons tout fondé dans Luc 16, 9. Et le Seigneur Jésus est en train de nous enseigner dans Luc 16, le verset 9. Dans Luc 16, le verset 9. Seigneur Jésus, qu'on enseigne qui la moya na moya ou tout. Le Seigneur Jésus est en train de dire que chacun parmi nous. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Les richesses que nous avons ici dans le monde, ce sont les richesses que Jésus appelle les richesses injustes. Pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel, car elles viendront à vous manquer. Tu peux avoir une richesse aujourd'hui. Pour l'éternité. Tu ne vas pas avoir cette richesse pour un toute l'éternité. Un jour, ça va manquer. Mais les amis, quand vous investir, si tu y as investi relation, dans tes relations, tu te fais des amis, ils vont te recevoir. C'était maintenant le temps où David n'a apoké ça, ça. Jonathan. Que David maintenant accueille Jonathan. C'était le temps difficile pour la famille de Jonathan. Il était ni wakati mugumu kwa ajili ya jamaa ya Jonathan. Alikuwa amekufa ndani ya vita. Il était déjà mort au champ de bataille. Batoto biko kule ku village basha vunjika. Et ses enfants étaient perclis, ils se retrouvaient déjà au village. Malheureux, basha banyanganya mashamba tout. Ils étaient malheureux, on les ravi leur royauté. Il n'y avait plus de traces de royauté sur eux. Mais gloire à Dieu. Jonathan. A laissé un bon souvenir dans en quelqu'un et en Dieu. Il était dans une mauvaise famille. Comme nous autres là. Comme Assisi. Nous sommes nés dans ce monde. Nous sommes nés dans un monde qui nous donne déjà l'identité de pécheur. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Mais parce que nous sommes nés de l'homme et de la femme. Et c'est un héritage que nous avions ici. Et ça nous fait que nous soyons des enfers comme l'état de Mephibosheth. Il ne pouvait rien faire pour lui-même. Il a fait kitu kifika kwa Mephibosheth, il pite kwa mtu mwingine. Pour qu'une chose arrive chez Mephibosheth, il fallait que ça passe par quelqu'un d'autre. Chapitre 9, premier verset inaongea mzuri. Et le chapitre 9, le premier verset parle bien. Nita mutendea mema juu ya Jonathan. Je lui ferai du bien à cause de Jonathan. Bien-aimé, vous n'avez pas idée du temps que vous passez à l'église et ce que ça est en train de faire dans les générations à venir. Vous n'avez pas idée qu'est-ce que vous êtes en train de donner aux générations futures en passant tout ce temps à l'église. Tu peux croire que le bien matériel sont les grands héritages que tu vas laisser à tes enfants. Mais l'héritage que Jonathan a laissé à Mephibosheth. C'était les souvenirs qui étaient dans le cœur du roi. Ça va lui changer l'histoire et yote. Parce que ça changeait toute l'histoire. Plusieurs enfants souffrent dans ce monde. Parce que leurs parents ont laissé des mauvais souvenirs dans ce monde. Mais nous, il faut que nous soyons comme David. Jonathan, il faut que nous soyons comme Jonathan. Qui peuvent se rappeler, qui peuvent se souvenir, qui peuvent donner des bons souvenirs. Toutes nos relations sont des opportunités. Toutes les rencontres que nous avons dans la vie, ce sont des opportunités. Et c'est à nous de savoir comment nous les gérons. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui aura de l'avantage à cause de notre souvenir. La prière que tu es en train de prier aujourd'hui, dans ta maison, c'est un grand héritage. Plusieurs personnes seront bénies parce que tu es resté dans l'intégrité avec Dieu. J'étais à Kisangani. Et j'ai souffert là-bas. Et j'avais des problèmes avec Dieu. Et je vis un enfant de l'arche qui m'a rencontré là à Kisangani. Il partait avec un véhicule qu'il allait laisser là-bas et revenir. J'avais déjà rencontré un autre frère qui est déjà un grand responsable là-bas. Il était ici. Et ce frère m'a dit, cherche-moi un frère de l'église Arche Goma, je vais lui donner un travail ici. Et j'étais parti pour chercher le pasteur Upesi, je l'avais déjà vu dans la rue à Kisangani, je lui ai manqué. Un jour, pasteur Upesi. Et un jour, j'avais déjà manqué le pasteur Upesi. Je rencontrais ses frères. Je crois que ses frères étaient à l'évangélisation. Et je lui ai amené à ses frères. On lui a retenu au travail. 4 ans après. Il est devenu le numéro un de cette entreprise à Kisangani. Il a déjà acheté une parcelle, il a déjà fait de grandes choses. Bien-aimé, notre intégrité devant Dieu est une bénédiction pour plusieurs personnes. Nous sommes une bénédiction pour plusieurs. L'église est une bénédiction. Un enfant de Dieu craignant Dieu est une bénédiction. Alors Jonathan, David est la kumbuka Jonathan. Et David se souvient de Jonathan. Dipo, akasema, est-ce qu'il y a kuna tena mutu? Et cela qu'il dit, ne restait-il personne de la maison? Mutoto, et cet enfant galéré à Lodebar. Et ça a commencé un nouveau voyage. Une nouvelle histoire a commencé dans la vie de Mephibosheth. Et le roi a dit, appelez-le-moi. Et qu'il vienne à Jérusalem. Il va commencer à manger à ma table. Et c'est ce que j'appelle un voyage. De Lodebar. De Lodebar. À Jérusalem. À Jérusalem. C'est même la nouvelle naissance. Et une chose que vous allez voir au lorsque Dieu se souvient de la souffrance de Jésus-Christ à la croix, il libère la vie aux hommes sur la terre. Et les gens peuvent quitter à Lodebar. Ils peuvent monter à Jérusalem. Et les enfants de Dieu, je vais nous dire ceci. C'est possible de commencer un nouveau départ. Quel que soit ce que tu as vécu, soit ce que tu as rencontré à cause du travail de Jésus à la croix. Dieu a ouvert un chemin pour que nous quittions Lodebar, là où nous avions souffert, là où nous avions eu nos pauvres, là où nous avions été perclus de pieds, et que nous montions à Jérusalem, là où il y a une place qui nous attend, là où il y a de la nourriture, un repas qui nous attend, notre lieu d'honneur. Je prie que Dieu t'amène à entrer dans ce voyage. Et que ce jour d'aujourd'hui soit un jour où tu vas entrer dans ce voyage. Et qu'aujourd'hui tu te vois en voyage. Du jour au jour. L'enfant de Dieu, tu dois te dire, je ne suis plus là où j'étais, même si je ne suis pas arrivé là où je dois être, mais je suis en train d'y aller. Je prie que quelqu'un avance dans sa destinée, que quelqu'un évolue dans sa destinée. Quitte Lodebar aujourd'hui, quitte Lodebar aujourd'hui, quitte dans l'humiliation aujourd'hui, quitte dans l'oubli aujourd'hui, et commence son voyage à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, à cause de la grâce de Jésus-Christ. Entre aussi dans cette avancée, avance du jour au jour et pars occuper ton poste à Jérusalem, sur la table du roi. Notre place est avec les rois. Prière et ta prière. Seigneur, achani atteindre place yangu, ni occuper place yangu ku meza yako. C'est de dire, Seigneur, fais-moi grâce afin que j'occupe ma place sur ta table. Plusieurs, nous vivons la vie qui n'est pas la nôtre. Lodebar haiko place yako. Lodebar n'est pas ta place. Yesu amelipa. Jésus-Christ a payé le prix déplacer. Pour qu'il te déplace Lodebar. De Lodebar kutoka de l'eau débarrée du désert. Et que tu t'assoies avec le roi. Et que tu manges avec le roi. Et que tu vives une vie royale. Que Jésus-Christ a payé pour toi. Laisse que Dieu nous bénisse. Nous allons approcher les pasteurs pour nous conduire dans la prière. Que Dieu se souvienne de nous ce matin. Et que nous aussi, nous nous souvenions de Dieu. Lèvons-nous ensemble. C'est un merveilleux message. Puissant message d'encouragement. Dieu nous a parlé, frères et sœurs. Tu peux quitter l'eau des bars pour être sauvé ce matin. Ce n'est pas en vain que Dieu a parlé. Mephibosheth a quitté l'eau des bars. Et David lui a dit, tu vas t'asseoir à ma table tous les jours de ta vie. Et c'était définitif. Ses problèmes étaient réglés. Ce matin, tu peux donner ta vie au Seigneur. Si tu es là, lève la main, nous prions avec toi. Tu peux cesser de vivre à l'eau des bars, dans la honte, dans l'humiliation. Tu es comme cloué au sol. Si tu es là, je vais prier avec toi. Entre-temps, nous prions, frères et sœurs. Quelle est ta situation? Elle ressemble à l'eau des bars. Pourtant, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi dans sa... Commence à prier. Dites, Seigneur, ramène-moi à Jérusalem. Sors-moi de l'eau des bars. Seigneur, retire-moi de cette situation malheureuse. Prions le Seigneur, frère. Parle à Dieu. Parle à Dieu de toi-même. Tu peux vivre une vie nouvelle. Lève nos mains, frères et sœurs, je vais prier avec nous. Dites, mon Dieu, prie avec moi. Dites, Seigneur Jésus, tu as parlé à mon cœur. Je prends courage. Je rentre à Jérusalem. Je vais manger à ta table, occuper ma place et retrouver tout ce qui était à mon Père céleste pour ma vie sur cette terre et pour ma vie après cette vie. Merci Seigneur pour le souvenir, le pouvoir du souvenir. Aide-moi, ô Dieu, à exercer mes facultés de souvenir, que je me souvienne de toi, que je me souvienne des autres. Et que je sois une bénédiction également. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous.